connaissance, mais la fée. Mais la tombe amourée, en face l'été passé aillé. Et la laisse à moins tomber. Sorti, mais la pile nouvelle. Mi demande sa vilée. Le soir, mi gagne puis sommeil. Mon cœur est chagriné. Téléphone à moi, dis à moi où y'a ma moi. Mi en pépi, mon cœur est affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Mais les déprimés, mi gagne pas oublié. Téléphone à moi, dis à moi où y'a ma moi. Mi en pépi, mon cœur est affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Tends-moi la main, aide-moi, trouve mon chemin. Mi tout et mi vie dans la case. Mon esprit l'est loin. Les dire pour mettre en la paz. Sourire il manque à moi. Premier chagrin il fait mal. Mi arrête pas pleurer. Si mon tête s'il est bonnes étoiles. Un jour on a retrouvé. Téléphone à moi, dis à moi où y'a ma moi. Mi en pépi, mon cœur y affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Mais les déprimés, mi gagne pas oublié. Téléphone à moi, dis à moi où y'a ma moi. Mi en pépi, mon cœur y affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Tends-moi la main, aide-moi, trouve mon chemin. Dans la case, mon esprit est loin. Les dire pour moi, toi la page. Sourire, il manque à moi. Pour mes chagrins, il fait mal. M'y arrête pas pleurer. Si mon tête, si n'est bonnes étoiles. Un jour, on a retrouvé. Téléphone à moi, dis à moi où y'a ma moi. Mi en pépi, mon cœur y affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Mais les déprimés, mi gagne pas oublié. Téléphone à moi, dis à moi où y'a ma moi. Mi en pépi, mon cœur y affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Tends-moi la main, aide-moi, trouve mon chemin.